mal de dingue dans le crâne, dans le cœur j'ai des points de soudure. Je marche entre drames et coups durs. Si le pouvoir c'est ce qui m'en grosse coupure. Au chien chien, je par un coup, tu pèses leur loi. Regarde quand bouge pas chercher l'or noir. Ils me veulent en partance dans le charter. Or moi je suis rancunier. J'ai t'enculé avant de dire au revoir. Or c'est miné, y'a bif, on s'adapte mec, c'est inné. L'échec, ça se faire péter comme ça dame mec. Moi je viens faire ça, sérieux dans mes fers hein. C'est moi qui gère ça, les stars, les dirigeants qui gèrent pas. Garantie à une femme morbide, tu t'es averti. Ma session annonce tout son verdict. Mais tu sens, je vais le dire. Ouais on use du pire pour s'en sortir. Exact, et les dire assortis. Coude sur la portière, conduite sportive. T'es mes pas en travers de mon chemin, j'ai des visions sorties. Ouais je peux. Ah!